c'est des ajustements qui se font avec le temps. Mais le passage de cet état-là à cet état-là, le passage de l'état de la vie, ça fait possible. C'est pas tes affaires, t'es. C'est la diminution, c'est lié à la diminution des pensées suggestives. Il faut en arriver à réellement les saisir, ces pensées suggestives-là. Puis à ce moment-là, quand vous en arrivez à les saisir, vous leur dites, sentez-moi dans la patte. Là, ils vont couper le courant, là, ils vont vous mettre dans un autre état. Non, moi, je me mets à chanter. Moi, je chante assez fort, je vous dis. Je suis obligé de l'oublier, ça va. Pour moi, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, ça. Quand ça m'agace, ça m'achète, puis je trouve que ça n'a pas d'allure, là, je me mets à chanter. Je chante assez fort, que. Ça te permet de sortir de ta mémoire. Il faut qu'elle débarrasse. Comment est-ce qu'il s'appelle? Thanos? Alex Thanos. Alex sort de son corps. Mais il n'y a pas de mémoire. Il ne se rappelle plus ce qui se passe. Si Alex était coupé de sa personnalité, là, il se rappellerait ce qui se passe. Là, il essaie de comprendre. S'il était coupé de sa personnalité, Alex, il pourrait sortir de son corps et se rappeler de ce qui se passe. Mais pour ça, il faut qu'il perde sa mémoire. Tu peux pas avoir deux mémoires. Tu peux pas avoir la mémoire du passé, la mémoire subjective, et la mémoire cosmique. Tu peux pas avoir les deux. Si tu en as un, tu as l'autre. Si t'as l'autre, si tu s'en vas vers l'autre, faut que tu parles là. C'est pour ça que tu dis que quand il donne quelque chose, il t'enlève de l'autre. Tout le temps. Tout le temps. C'est naturel. C'est normal. Vous, si vous allez au magasin, vous achetez une paire de souliers, vous allez jeter les autres. Ils sont vieux. Mais il y en a qui vont les garder et qui veulent les garder. Il y en a qui mettent des bottines de bronze, s'ils font ça en bronze. Ah oui! Ça, c'est des spécialités, là. Regardez les petites bottines de petit tigre. Ça, c'est cute. Mais c'est le principe. Il faut perdre quelque chose pour voir une autre. Puis on n'a pas le choix au niveau du supramental. C'est tout obligé. Le détachement vient de ça. Notre vie, c'est pas nos affaires. C'est dur, vous nous. Parce qu'on a voulu faire de notre vie quelque chose. On veut faire de notre vie quelque chose. On veut faire un succès de notre vie. On veut ouais. Venir une belle fille. On veut bien l'enfant. On s'aperçoit que ça marche pas bien. Ben, les gens se disent de juste remérir, tu récoltes ce que tu sèmes. Oui, mais c'est parce qu'on comprend mal. Quand ils nous disent si tu récoltes ce que tu sèmes, ça veut dire faire l'effort gros et tout le cul si tu veux récolter quelque chose, comme du monde. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que nous autres, on interprète. Mais occultement, tu récoltes ce que tu sèmes, c'est d'autres choses. Ça veut dire que si tu as bien semé, tu vas bien récolter. Si tu as mal semé, tu vas mal récolter. Fait que c'est deux niveaux différents d'interprétation, mais on interprète toujours pour tout le temps. Tout le temps. C'est ça qui décide de semer comme ça. Ça fait partie de notre expérience. Ouais. Pas le choix. Ça fait partie de notre expérience. Plus tu es évolué, plus tu sèmes. Plus tu es évolué, plus tu sèmes comme du monde. Plus tu es récolte comme du monde. Ça fait partie de l'évolution. Non. Quand c'est rendu que c'est plus tes affaires, que tu comprends ça, puis tu vis une vie que t'es plus tes affaires, parce que t'as déjà bien semé. Ouais. T'as déjà bien semé. Fais longtemps que t'es jardinier. Quand t'es rendu à comprendre que c'est pas tes affaires, tes vies, tu commences à comprendre quelque chose. Là, à ce moment-là, t'as plus besoin de semer. T'es semant. Tout est tourbillonnant pour l'ego quand l'ego change de niveau de conscience. C'est normal. L'ego peut pas arriver à conscience et pas être troublé. C'est normal, c'est naturel, c'est inévitable. On y va quasiment les deux yeux fermés. Pourquoi quoi? On y va quasiment les deux yeux fermés. Vous y allez les deux yeux fermés dans le sens que vous y allez par vibration. Ouais. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux ouverts puisque vos yeux ne voyaient rien, anyway. Oui. Oui, quand je dis les yeux, je ne fais pas les yeux, là, c'est que je ne sais pas où ce que ça va m'amener. Tu n'as pas besoin de savoir? Mais non, je ne sais pas. Pas de tes affaires? Je ne vais pas aller. Pas de tes affaires. C'est là que je te dis, tu y vas, mais tu la toi-même. Il n'y a personne qui te pousse dans le dos. Oui. Qui? Qui c'est qui te pousse dans le dos? Oui. L'énergie, c'est ça que je te dis, tu y vas, mais tu la toi-même. L'énergie, elle fait partie de toi. Ça, c'est ça, vous voyez, c'est ça qui nous choque. Hein? De rien voir, c'est ça qui nous choque. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais si vous verriez trop, mais vous capoteriez, vous ne faites pas voir. Ça, c'est ça, vous voyez, c'est ça. Si vous verriez trop, vous ne pourriez pas vivre, vous capoteriez. C'est tout simple que ça. C'est pas une grande affaire de voir, c'est d'être préparé à voir. Nous autres, on est en train d'être préparé à voir. Il y a une préparation à voir. Sans ça, si tu veux quelque chose que tu comprends pas, comment est-ce que tu veux? Tu vas tout mal comprendre, tu vas tout mal interpréter ce que tu veux. Tu peux pas vivre, tu peux pas fonctionner. Comme lui, là. C'est un type qui essaye de saisir quelque chose. Il essaye de saisir quelque chose. Puis je fais honte d'essayer de saisir quelque chose. Il faut qu'il en arrive à pas essayer de saisir rien. C'est rendu à ce stade-là. Il faut qu'il en arrive à pas essayer de saisir rien. Parce que tu mets tellement d'efforts réels, d'efforts intérieurs, spirituels à vouloir saisir, que là tu te bloques. Je te dis à soir parce que à soir ils m'ont dit ça à Charles Marquand, que faut pas que tu essaies de saisir rien. Laisse couler. Ça donne une clé, ça va être important. Ça va tout dénouer le reste. Parce qu'en dedans, intérieurement, il faut que tu deviennes réellement lousse. Mais lousse. Parce que t'es trop tight intérieurement. T'es trop sérieux intérieurement. T'es juste sur le bord. T'es juste sur le bord. Puisque je commence à être bien fatigué de le faire. Ouais, c'est ça. Puis quand tu vas être réellement écœuré à le faire, c'est là que. Ouais. Parce que. Faut pas que notre ego soit impliqué dans ce qu'on vit. Faut pas que notre ego spirituel soit impliqué dans ce qu'on vit. Faut pas que nos valeurs spirituelles soient impliquées dans ce qu'on vit. Faut pas ce qu'on pense soit impliqué dans ce qu'on vit. Rien. T'es rendu à ce point-là. Tu commences à me prendre le cul. Puis, ça fait correct. Il y a un travail qui devait être fait. Il était fait, le travail. T'es curé. Tu deviens curant dedans, là. Ça, c'est le travail. Après ça. Je fais, j'étais tellement comme ça. Ah, bien sûr. C'est difficile pour moi de lâcher ce truc. C'était ma direction. Là. Ouais. C'était moi qui le faisais. Oui. Puis là, faut que je fasse le compte. Faut que je le fasse, c'est ça. Tout ça, cette énergie-là, c'est accumulé. Mais ça, c'est là, cette affaire-là. Fait que tu viens encore dans ta mémoire. Tu sais, je parlais de la mémoire. Ouais. Très mauvais en mémoire. Autant la mémoire de la vie présente. Autant la vie et mémoire de la vie présente, la mémoire de la vie passée. La mémoire de la vie présente encore plus fraîche. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui des conditions de mémoire qui sont liées à des 3-4 millions dans le passé. Comment c'est un peu, c'est long. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de rien.